FrenchPod.com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Bonne santé! Meilleurs vœux! Champagne pour tout le monde! Hey!